Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture. Et aujourd'hui, nous allons découvrir non pas un auteur ni un illustrateur, mais nous allons découvrir une maison d'édition. Et j'ai Alain Claude avec moi, président de l'association qui a fondé cette maison d'édition qui s'appelle les éditions du Pourquoi Pas. Bonjour Alain. Bonjour, merci pour votre invitation. Eh ben moi, je suis très contente de vous recevoir parce que les éditions du Pourquoi Pas n'est pas une maison d'édition comme les autres. On va le découvrir tout de suite. Alors, le format de l'émission reste le même. 5 questions qui vont être tournées autour de la maison d'édition. Des coupures musicales qu'Alain a choisies. Il nous expliquera un petit peu aussi pourquoi il a choisi ses chansons et ses textes. Alain, est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous êtes prêt? Très bien. Alors, on y va. Donc, la maison d'édition du Pourquoi Pas est une très jeune maison d'édition indépendante parce qu'elle est née en 2012. Alors, comment est venue un petit peu l'idée de cette maison d'édition qui est, si je ne me trompe pas, essentiellement basée vers un public jeunesse? Oui, c'est une maison d'édition jeunesse. Alors, effectivement, il faut que l'on parle un peu de notre histoire. Oui. Et je vous suis quand vous dites nous sommes une maison d'édition, pas tout à fait comme les autres. Oui. En fait, nous n'avions pas du tout vocation à créer une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui a été créée par la Ligue de l'enseignement des Vosges. Oui. Ce qu'il faut, alors très rapidement, la Ligue de l'enseignement au niveau national avait écrit un manifeste qui s'appelle « Faire société ». Donc, une réflexion au moment d'une question de congrès, une réflexion sur le monde, sur l'état des relations humaines, la culture, etc., etc. D'accord. Comme peut le faire un grand mouvement d'éducation populaire comme la Ligue de l'enseignement. À la Ligue de l'enseignement des Vosges, dont j'étais le président à l'époque, nous étions intéressés par ce manifeste et je suis allé à l'école d'art d'Épinal, l'école supérieure d'art de Lorraine, le site d'Épinal, avec qui nous travaillions déjà assez régulièrement. Et ce manifeste « Faire société » est devenu le projet pédagogique de la promo des deuxièmes années, où je leur avais demandé de vulgariser, de faire des créations inspirées de ce qu'ils trouvaient dans ce texte. Dans ce « Faire société ». Dans ce « Faire société ». Ok. Et 6 mois après, quand le professeur Étienne Théry, maintenant directeur de l'école, m'a rappelé pour voir toutes ces créations. Oui. Bon, nous étions une petite équipe, nous ne savions pas où donner de la tête, on connaît la force créative de la jeunesse. Vous aviez 4 têtes et 6 bras, dormez 3 heures par nuit. Et puis, il y en avait dans tous les sens, un site internet, un pop-up géant, un jeu de cette famille, des familles du 21e siècle, et puis des expos photos, etc. etc. quoi. La promo de 30 étudiants avait travaillé par équipe, et parmi toutes ces équipes, il y a eu une équipe de 5 filles, je les vois encore comme si c'était hier, qui avaient imaginé des mini-albums. Donc elles avaient, avec l'aide de l'autrice Julia Billet, qui est également prof à l'école, écrit des textes. Okay. Et puis, elles avaient illustré. Il y avait 11 albums. 11 albums. 11 albums en format réduit. Avec une très très grosse réflexion, avec des très beaux textes. Elles étaient déjà imprégnées de ce manifeste, en fait. Ah ben oui, c'était inspiré du manifeste, ouais. Hein, chaque fois. Et c'est là que nous nous sommes dit, c'est quand même trop bête de mettre ça dans un placard, et qu'une personne a dit, on devrait créer une maison d'édition. Vous voyez, le projet est un peu fou. Ah quoi. Ouais, mais c'est génial. Un peu fou. Et on est parti comme ça, donc le bureau de la Ligue de l'enseignement des Vosges a décidé de créer la maison d'édition. Nous n'avions pas du tout l'ambition d'être ce que l'on est en ce moment. Hein. Nous, ça nous intéressait d'avoir des objets de littérature engagés, oui, pour nos actions d'éducation populaire, la formation, les débats dans les associations, etc. Mais à aucun moment vous aviez imaginé ça. Mais non, pas du tout, pas du tout. Non, non, vraiment pas. Parallèlement, depuis une dizaine avant, on pilotait avec la Ligue de l'enseignement des Vosges le Salon du Livre Jeunesse de Contrexéville. D'accord. Et qui était lui aussi déjà sur des objectifs citoyens avec des thématiques citoyennes engagées. Et donc, depuis 10 ans, donc on est en 2011 là, depuis 10 ans, nous avions reçu un certain nombre d'auteurs engagés et de petites maisons d'édition engagées aussi. Donc vous aviez déjà On avait un réseau. On va dire, j'allais dire un vivier, mais tout déjà un réseau. Tout à fait. Vous partiez pas, alors c'est le terrain inconnu, se dire on va créer une maison d'édition, c'est un peu un saut à l'élastique sans élastique, il y avait quand même un, vous aviez déjà effectivement tout le réseau. Oui, et puis ça n'arrive quand même jamais complètement par hasard. Oui, on est d'accord. À la Ligue des Vosges, on avait une action sur la lecture, écriture, accueil d'écrivains, etc. Mais c'était presque continuité logique. Oui, oui, voilà, c'est le petit... Mais aller jusqu'à faire une maison d'édition, c'est pour ça qu'en début d'émission, je disais pas tout à fait comme les autres, Et donc, on a, sur les 11 livres créés, on en a sélectionné 4. D'accord. On les a tirés en 1000 exemplaires. Okay. On les a imprimés, on les a vendus 3,50 €. Et c'est parti. Et c'est parti comme ça avec 4 petits livres, mini-albums. C'est super. Et oui, c'était quelle aventure. Et avec ce Salon du Livre de Contrex, quand on a raconté notre histoire à des auteurs, j'entends encore Thomas Cotto. Fameux Thomas Cotto. Je voulais en parler après, j'ai une autre question. Ne vous gênez pas, qui me dit, mais c'est génial, mais on va faire des textes. Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti vraiment comme ça. Alors si vous voulez, maintenant, on a 64 livres au catalogue. Oui. Des textes écrits par des auteurs connus, confirmés, bien connus en France et à l'étranger, et des textes illustrés, mais de par notre projet d'origine, on a décidé, pour les illustrations, de faire appel à un jeune qui était passé par l'école d'Épinal. Vous restez sur vos terres. Voilà. Non, vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas chercher... Vous auriez pu aller chercher des illustrateurs, ou vous voyez ce que je veux dire, non, partout. Non, mais vu notre projet d'origine, vu le... Il fallait garder une cohérence aussi. Pour nous, c'était tout à fait naturel. C'était cohérent et naturel. Il y a énormément d'illustrateurs jeunesse qui sont passés par Épinal, même si ce n'est pas une école d'illustration. Ouais. Donc on s'est dit, on va, pour les illustrations, on va offrir... Les projets à un jeune qui est passé par l'école. Ah, c'est super. Une fois qu'il est sorti, c'est dans nos gènes d'aider les jeunes. Ouais, c'est bien. Et donc voilà. Vous êtes raccord de bout en bout, en fait. Donc, si vous voulez, chaque fois qu'on sort un livre, on a un auteur connu et avec un jeune qui démarre. Ça, c'est super. Alors justement, ce sera l'objet de ma deuxième question. Parce qu'en regardant donc, sur le site internet de la maison d'édition, on voit dans votre catalogue qu'il y a plusieurs catégories de collections. Par exemple, il y a la collection Faire Société, la collection Vivre Libre Vre. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est L-I-B et un point V-R-E-S. Voilà. Bon. Imprononçable. Imprononçable. Bon, d'accord. Avec toujours une démarche pédagogique, donc que ce soit pour l'enfant, donc la jeunesse en priorité, mais aussi pour les parents. Les auteurs et illustrateurs ont-ils cette volonté parce qu'en fait, on imagine les auteurs de textes, est-ce que c'est eux qui viennent à vous ou est-ce que c'est vous qui allez chercher des auteurs avec justement ce que vous disiez, toujours dans cette même logique de faire société en abordant des thèmes, on va dire, très généralistes, même si vous touchez en premier la jeunesse, ou est-ce que c'est des auteurs à qui vous les connaissez, à qui vous commandez justement le type de texte ? Très sincèrement, les auteurs, on ne va pas les chercher, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. Et c'est notre... Et ils connaissent... C'est notre... quand c'est eux qui viennent, vous pouvez avoir des nouveaux auteurs, ils savent déjà ce que vous attendez. Pour nous, c'est un grand bonheur. C'est génial. C'est un grand bonheur. Ben, les auteurs, vous savez, les auteurs, ils se rencontrent, ils parlent sur les salons du livre. Ah bah, c'est un petit monde, en fait. Donc, on avait le vivier des auteurs qu'on avait rencontrés à Contrexéville. Et puis après, ben, des auteurs qui nous contactent. Et puis c'est un tel qui m'a dit que... Voilà. Et puis, c'est super. Donc, si vous voulez, de façon très concrète... dont on a sorti un livre, Amour Bleu, au mois de septembre. C'est une autrice qui est venue vers nous, qui a été pépite d'or au Salon de Montreuil. Oui. Bon, voilà, Raphaël Frière. Au mois d'octobre, c'est une Nancéienne. Laurence Gillot. Oui. Pareil, premier projet chez nous, mais elle a peut-être fait 100 bouquins. Hein. C'est chouette. Donc, hein. Ce sont les auteurs qui viennent vers nous. Donc ça, c'est bien. Alors, on va faire une coupure musicale tout de suite avec un groupe complètement inconnu pour moi qui s'appelle Mammouth. C'est vous, Alain, qui nous le conseillez à l'écoute. Alors, pourquoi ce groupe ? Alors, Mammouth, c'est un quatuor de jeunes musiciens vosgiens qui fait du jazz. Et voilà. Pourquoi Mammouth ? Parce que la première fois qu'ils ont joué, c'était en plein air à la fête de la musique pendant le Covid, et c'était devant l'ancien Mammouth d'Épinal. D'accord. et voilà. Donc, on est proche d'eux. Ils font de la très, très grande qualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'ils jouent, ce sont des compositions. D'accord. Donc, on écoute Mammouth et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours avec Alain Claude des éditions du Pourquoi pas, où on découvre plein de belles choses pour la jeunesse, mais pas que. Alain, pouvez-vous nous parler un petit peu, pour reprendre cette deuxième partie d'émission, de la ligne éditoriale ? Oui, ben ça, bien sûr, c'est notre raison d'être. De par nos origines, notre projet, on s'est lancé dans une maison d'édition, mais c'était avec un but bien précis. Mm-hmm. Donc je dirais même que c'est un projet politique, politique dans le bon sens du terme, oui. Bien sûr, hein, pas politique. Mmh, je comprends. Hein, on est bien dans l'éducation populaire. Oui. Et donc, nos gènes, ben, la Ligue de l'enseignement, c'est de participer à la création de citoyens autonomes, cultivés, qui s'engagent, etc. Et donc, là vient toute la place que la littérature peut occuper dans la formation d'un jeune. Oui. D'un jeune et d'un moins jeune, d'ailleurs. Oui, pour ça, les enfants, mais pas que. Tout à fait. Alors, notre ligne éditoriale, des écritures qui s'emparent de l'imaginaire, oui, pour aider les lecteurs à faire société. Donc, des textes qui s'emparent de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Oui. Donc, nos textes ne sont pas du tout donneurs de leçons. Ils ne sont pas informatifs, ils ne sont pas documentaires. D'accord. Ce sont des histoires, des belles histoires, même s'ils traitent de sujets parfois très graves. Oui, ou lourds. Mais oui. Lourds, mais la force des écrivains, c'est d'être aussi optimiste. Hein, oui. Et de permettre au lecteur de voir plus loin, quoi. D'analyser le monde et de voir plus loin dans l'engagement. Donc l'imaginaire, bien sûr, c'est quelque chose de très important. Déjà chez l'enfant. Bien sûr. C'est la base. C'est la base. Hein, et chez les plus grands, ça aide à surmonter ou à comprendre plein de choses. Oui, puis on peut aller un peu vers l'utopie. Hein, il faut bien rêver un petit peu. Hein. Oui, parce que c'est vrai que dans la collection, on a... c'est surtout de la collection jeunesse, donc il y a une collection contes. Qui est très très jolie pour les petits. Et puis il y a aussi, par exemple, il y a cette collection, je connais plus le nom de la collection, par exemple on a l'âge auquel il faut lire le livre, et puis on a la thématique à côté qui est très intéressante, et quand on clique sur en savoir plus sur le site internet, on voit un petit peu les objectifs qui sont donnés à la lecture de ce livre. Ça me paraît intéressant d'en parler, parce que c'est pas toutes les maisons d'édition le proposent. Bien sûr, c'est un parti pris. Et c'est vraiment... il y a des sujets forts. Il y a par exemple les enfants qui se retrouvent seuls pendant une guerre. Oui. Il y a aussi les différences. J'ai pas retenu, parce que vous avez une collection, un catalogue tel, on peut pas tout retenir. Mais on sent que ça aborde, et c'est très bien adapté à des lectures... on sait que les ados parfois décrochent malheureusement la lecture, pour mieux y revenir parfois aussi, mais les textes sont plutôt bien... C'est bien pensé, c'est bien critiqué. Oui, on est très exigeant sur les choix de textes. Ouais. Bon, vous savez, hein, je reçois 4-5 textes par semaine. Ok. Et on édite 6 à 8 livres par an. Oui, ça donne... Donc, on a de quoi sélectionner. Voilà, oui. Il n'y a pas de problème. Vous êtes confort, quoi. Et puis, quand on a choisi un texte, on retravaille aussi avec l'auteur. Avec l'auteur, bien sûr. Hein. Pas pour lui dire, il faut que, il n'y a qu'un. Non, mais... C'est pas du tout, mais on travaille avec lui. C'est aussi le boulot de la maison d'édition, retravailler le texte. On fait un vrai travail d'éditeur. Bien sûr. Hein. Et puis, il faut dire qu'on a un collectif. Hein. Donc, quand on choisit un texte, on est toujours 12-13 à choisir le texte. C'est votre comité de lecture, quand vous dites un collectif. Hein. Oui, c'est le comité de lecture. Oui. Donc, choisir un texte à 12-13 personnes, on s'amuse bien. En plus, c'est un comité de lecture qui est plutôt nombreux, il y a beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'en même temps, l'auteur qui va proposer un texte doit pouvoir faire l'unanimité. Oui. Et parce que vous avez tous des parcours différents, avec des attentes peut-être aussi différentes, même si le socle est commun. On va dire, hein, on est toujours dans l'éducation populaire. Et je me dis, c'est un beau challenge que d'être sélectionné par la maison d'édition, même s'il y a un peu de réécriture parfois, enfin c'est pas parfois, c'est même pas très souvent. Oui, après on affine avec l'auteur, mais parfois on n'affine pas du tout. Ah oui, c'est prêt et mais on y oui, va. Mais oui, ah, c'est chouette. On a des petits génies là. Hein. Ah c'est bien. Même des grands génies. Ah c'est bien. C'est chouette. On a des grands génies. Donc si vous voulez, pour l'auteur, c'est pas très pas facile non plus. Il est toujours sur le fil du rasoir parce que il a toujours envie d'en dire plus. Or, nous, on n'a pas trop envie d'en dire trop. Le lecteur assez grand pour faire du chemin tout seul. Oui, vous l'accompagnez, mais après, voilà. Vous le lâchez. Donc, quoi. Des beaux textes qui donnent des émotions, qui font rire, qui font pleurer. Sur quel thème? Sur des thèmes, des thèmes de société qui ne sont pas toujours très réjouissants. Mais surtout en ce moment. Mais c'est la vie de tous les jours. Oui. Et puis voilà. Quoi. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait un petit peu de Thomas Cotto. Mmh. Vous travaillez avec Thomas Cotto. Ah oui. Bah, Thomas Cotto, c'est un compagnon de route. Il est prolixe. Hein. Il est très prolixe. Quand il était très jeune auteur, il est venu dans ma classe d'élèves de CM2. D'accord. Et on a écrit un livre avec mes élèves. C'est génial. Donc il est venu pendant 8 demi-journées et notre aventure commune a démarré là, si vous voulez. Voilà. Et puis après, Salon de Contrexéville, etc. Parce qu'il est hyper prolixe, très connu. Enfin, il est très connu. Il a beaucoup de maisons d'édition, bien entendu. Les textes qu'il écrit chez nous, il ne les écrit pas ailleurs. Oui. Il y a une liberté d'expression. Oui. Et puis vous avez une histoire commune. Oui, qui fait que peut-être pas... aussi, c'est oui, ce que vous attendez peut-être ou voilà. Non, quoi. Mais l'affectif ne prend pas le dessus. D'accord. Quand il s'agit de choisir un texte, bien sûr que non. Ouais, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est comme vous le connaissez depuis longtemps, vous savez ce que vous pouvez en attendre. Ah oui, bien voilà. sûr. Voilà, c'était ça. On sait aussi qu'on peut le pousser encore un peu plus loin. Bien sûr. S'il nous écoute, je sais pas. Oui, il nous écoutera, mais je le dis très tranquillement. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale avec Eric Satie, que vous appréciez beaucoup, Alain. Oui, Eric Satie, de par son histoire, c'est un personnage très, très particulier. Et puis, j'ai eu la chance d'aller visiter avec mon épouse le musée Satie à Honfleur il y a quelques semaines. Voilà. Et donc voilà, il est resté dans ma tête, là. Donc, on écoute Eric Satie et on revient juste après pour les projets de la maison d'édition. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission de Caprice de lecture. Et avant de passer au projet de cette année 2023 des éditions, Alain va nous dire quelques mots des illustrateurs. Oui, nous sommes à Épinal, cité de l'image. Donc, dès le départ de notre projet, pour nous, il était évident que nos textes seraient illustrés. Okay. Pour la majeure partie, alors plus ou moins, c'est une différence forcément entre un album et un roman. Dans la démarche, nous choisissons un texte. Une fois que le texte est choisi, après, nous allons voir l'énorme vivier des anciens étudiants d'Épinal, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous proposons le projet d'illustration à un jeune talent. D'accord. Un jeune talent. Et nous accompagnons ce jeune talent pour faire les illustrations du livre. Okay. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'auteur qui choisit l'illustrateur. Okay. C'est bien un travail d'éditeur. Dont moi, j'étais convaincue qu'en fait, les deux se rencontraient et travaillaient ensemble. Je ne savais pas du tout que ça se passait comme ça. Alors, ça peut arriver, okay. Bien sûr. Hein. Mais c'est vous, la maison d'édition, qui faites le oui, lien oui, entre nous, les deux. Nous, on a un seul livre où qui s'appelle L'Autre, sur la laïcité. D'accord. Où l'autrice et l'illustratrice ont travaillé plus d'un an ensemble, en interaction. Ok. Voilà. D'accord. Mais autrement, non. Sinon, ça passe par, par la maison d'édition. Oui, c'est l'éditeur qui fait le travail avec l'illustrateur, comme il a fait le travail avec l'auteur. Ça marche. Vos projets 2023 pour Alors, cette 2000, maison d'édition 2023, c'est l'année des 10 ans. Ouais. Hein, parce qu'on est né en décembre 2012. Donc c'est l'année des 10 ans. Donc c'est le gros projet de l'année 2023, c'est la célébration de nos 10 ans. Donc c'est porteur. Hein, oui. Voilà. On mène un certain nombre de projets. Là, depuis un mois, on a eu une très grosse exposition à l'ABMI d'Épinal. D'accord. Sur tous nos livres, avec présentation d'originaux. Le gros projet, c'est que nous avons décidé de sortir un livre pour nos 10 ans. Et là on a fait une commande à 10 auteurs. Ok. 10 ans, 10 auteurs. 10 ans, 10 auteurs. 10 textes, tout simplement. Et donc, 10 auteurs emblématiques, donc Thomas Cotto et neuf autres. Ouais. Et à qui on a dit, tu as déjà fait un certain nombre de livres chez nous. Tu choisis un héros qui existait donc dans un des précédentes publications. D'accord. Et le héros, il a vieilli. On va dire de 10-15 ans, okay. Dans une société en mutation, comme elle est oui. Voilà, actuellement, vous riez. Voilà. Et donc, tu fais revivre le héros, on va dire 10-15 ans plus tard. Ok. Voilà. C'est super original. Original. Ouais, je trouve ça super sympa. Et puis au niveau illustration... on a travaillé avec Frédéric Bertrand, Nancéienne, prof à l'école d'art d'Épinal, qui a piloté un travail d'illustration avec 12 étudiants de l'école d'art. D'accord. Voilà, on a voulu boucler la boucle. Enfin, ouais. Boucler la boucle, ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein. Oui, oui. Voilà. Et on a un livre qui va sortir aux Ingres Grenadines, ce fameux salon du livre jeunesse. Ouais. D'Épinal, 19-20 avril. Oui. Voilà. Super. Et donc, j'invite le public à venir nous rencontrer. Moi, je viendrai. Moi, c'est sûr, je serai là. Voilà. Donc, nous sommes très, très fiers. Et puis, nous avons fait d'autres projets. Nous avons passé commande pour une sérigraphie. OK. Qui a été réalisée par Simon Bailly. Simon Bailly, c'est un jeune illustrateur... Qui a sorti des bouquins avec nous quand il est sorti de l'école d'art et qui maintenant crève le plafond et fait des dessins dans Libé, dans le New York Times, super. Etc. Et on lui a passé commande d'une sérigraphie numérotée pour les 10 ans. Ah tout ça, c'est des beaux projets. Vous êtes vraiment une maison d'édition, pas comme les autres. C'est ce que je disais en début d'émission et je confirme ce que je disais. Donc, les éditions du Pourquoi pas. Alain, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. J'ai pris grand plaisir à apprendre les secrets de fabrication, les origines de la maison d'édition. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, à prise de lecture. Au revoir, Alain. Au revoir, merci Au revoir. Beaucoup.